vois-tu, dans le silence d'un matin, n'as-tu pas parfois préféré la mort à l'ennui? Quel diadème a couronné ta vie? À cet instant-là, pour que tu veuilles poursuivre le chemin, j'ai su, sans même le chercher, que ce hasard peut naître là, traînant sans malice au bout d'un bras, son vieux piège illusoire est rouillé. Que tu m'entends.